comme une aveugle. Dans un magasin pour soleil, la haine de pas avoir su exprimer mes sentiments. Au champ que j'aime, aujourd'hui mon cœur est une tombe. Recouvert de chrysanthèmes, des douleurs pour hécatombe. Envers des crises par centaines. Marre d'échouer, des relations déjà vouées à l'échec. Où j'étais la proie, la reine a bloqué le roi, fin de la partie d'échec. Marre de passer par des galères, d'intérim en intérim. Je me suis rendu compte que la sagesse paye encore moins que le crime. Passer par des assistantes sociales et faire des CV sans réponse. Je voulais vivre dans les roses, mon corps s'est retrouvé dans les ronces. J'ai évité les joints, l'alcool, tout ça pour faire beau. Aujourd'hui je bois de l'essence par le cœur et je fume du cerveau. Je pleure, des larmes en France, entends le chant du coq mort. Pourtant avant j'avais des rêves à faire sourire un croque mort. J'arrive plus à aimer, me demande pas d'oublier ma rancœur. C'est comme essayer de me faire sortir ce foutu poignard du cœur. Ça fait trop mal, tout ma trauma. Disais j'ai des trous dans l'estomac, je suis paumé. Je suis comme un mort vivant dans le coma. Je me relève, je replonge, la vie m'essort comme une éponge. La misère me ronge et le mal se promène dans mes yeux. J'ai trop donné, la king mon frère. J'ai trop souffert, je peux plus rien faire. J'ai trop donné, trop laissé faire. Ma vie est un enfer, mais dis-moi comment faire. J'ai trop donné, la king mon frère. J'ai trop souffert, je peux plus rien faire. J'ai trop donné, trop laissé faire. Ma vie est un enfer, mais dis-moi comment faire. Bloqué dans les parois d'un système qui me rejette, je constate que parfois j'aimerais appuyer sur reset. Aucune réussite, aucune défaite. Les mois se reflètent et je les vois, ils désertent. Tout s'évapore, rien ne se passe comme prévu. Au royaume des échecs, pour le trône je suis élu. J'ai perdu mes rêves dans des chemins opaques. Je visais haut sans trêve, mais la vie met des grosses claques. En cette époque funeste, je suis le maître de mes échecs. Mon espoir, c'est l'enfant que j'ai vu naître. Depuis l'école, c'est raté, j'ai tout zappé pour aller en CAP. J'ai happé le mauvais hameçon, trop d'hameçons coincés. À jongler entre le chômage et les tafs non fondés. J'ai trop opté sur les mauvaises personnes. J'ai trop donné de ma personne, de la confiance à volonté. Y'a plus de bonté, seul le mal résonne. Je m'enfonce dans ce désert, chaque jour un peu plus. C'est pas 50 piges que je rouvrai en Lexus. Fais chier, t'as pour lécher des pieds. Tu ne seras qu'un déchet de plus au sein de l'échiquier. J'ai trop donné, la king mon frère. J'ai trop souffert, je peux plus rien faire. J'ai trop donné, trop laissé faire. Ma vie est un enfer, mais dis-moi comment faire. J'ai trop donné,